Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Quel que soit le point sur lequel vous divergez, il vous incombe de le ramener à Allah. Islah al-Umma, réformation de la communauté. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez votre affaire à Allah et au messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Car Allah a ordonné aux gens d'exposer leurs divergences au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son jugement. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahullahu ta'ala. Et il n'y a pas meilleur recours en cas de désaccord que de revenir au Coran et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Il s'agit là d'une éducation prophétique concernant l'attitude à avoir lors de divergences. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Et c'est de cette bonne façon que l'on doit se comporter lors de divergences. Sermon numéro 25, Adabul Khilaf, le comportement à adopter lors de divergences. Il nous est donc tous obligatoire de nous éduquer selon le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous reportons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée, qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuhan nas, ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être Adam et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa. puis qui décédera a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est celui d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, certes Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé ses serviteurs, les êtres humains, dans le but qu'ils l'adorent. Et il leur a ordonné de lui obéir et de se soumettre à lui. Lui, Allah, le Seigneur de l'univers. Il a ainsi dit, Azza wa Jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur aux besoins, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et il a dit, tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un reposoir, et du ciel une bâtisse, et qui fait tomber la pluie du ciel, puis qui par elle fait surgir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Ne lui donnez donc point de semblable, alors que vous savez qu'il n'en a pas. Il s'agit là d'une éducation divine, venant de la part de notre Seigneur, destinée à tous les serviteurs d'Allah. Nous nous devons donc de se parer d'un bon comportement avec Allah quant à l'accomplissement de son tawhid, son monothéisme, de même que concernant notre soumission à lui, Azza wa Jalla. Il nous incombe également de faire attention à ne pas fauter dans notre façon de nous comporter vis-à-vis du Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide, l'utérus. Nous avons ensuite créé à partir de cette goutte une adhérence, l'œuf. Puis nous avons fait de cette adhérence une chose à l'aspect mâché, l'embryon. Puis nous avons créé à partir de cet embryon des os, le squelette. Puis nous avons revêtu ces os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Donc gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et après cela, vous mourrez. Ensuite, au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Nous avons certes créé au-dessus de vous sept cieux. Et nous ne faisons absolument pas preuve d'inattention dans la création. Allah, c'est donc lui qui nous a créés, qui nous a fait exister, qui nous a conçus et renforcés. Ainsi, parmi ses droits qu'il a sur nous, Azza wa Jalla, il y a que nous devons l'unifier dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-bahri, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغَ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Oh vous les gens, si vous doutez au sujet de la résurrection, sachez alors que c'est nous qui vous avons créé à partir de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon parfaitement formé, et certains informes, afin de vous montrer notre omnipotence. Et nous faisons déposer dans les utérus des femmes ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en faisons sortir à l'état de nourrisson, pour qu'ensuite vous atteigniez votre pleine maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de leur âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Pareillement à cela, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Certes, le bon comportement avec Allah Azza wa Jalla fait partie des droits d'Allah. Et ce droit, accompagné de celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même que celui de son livre, le Coran, concernant la bonne attitude à avoir avec eux, est la cause de la réussite dans ce bas monde, tout comme dans celle de l'au-delà. Ainsi, dès lors que le comportement avec Allah Azza wa Jalla et son livre fit défaut au niveau de la science, de sa mise en application, de la lecture et de la méditation de ses versets, pareillement au comportement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le comportement entre les gens se dégrada. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes appellent à l'absence de divergence et d'opposition entre les gens, alors qu'eux-mêmes ne font même pas d'efforts pour avoir une bonne attitude avec Allah tabaraka wa ta'ala, ni avec son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'avec son livre et ses adorateurs pieux, réellement tel qu'Allah, le Seigneur de l'univers, l'a commandé. Car il est obligatoire que le bon comportement doit être avant tout adopté avec Allah dans la concrétisation de son monothéisme, le fait de vouer l'adoration exclusivement qu'à lui seul. En ayant par exemple la ferme conviction que nul ne peut être profitable ou nuire avec Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque une autre divinité avec Allah sans aucune preuve aura à rendre des comptes à son Seigneur. Les mécréants ne réussiront assurément pas. De même, autre exemple, qu'en attribuant tous les bienfaits de ce bas monde à Allah seul, لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ, l'ordre tout entier appartient à Allah avant et après. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Et tout ce dont vous jouissez comme bienfait ne provient que d'Allah. Puis lorsque le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Certes, mon maître est Allah, celui qui a fait descendre le livre, et c'est lui qui se charge de la protection des gens pieux. Et Allah Azza wa Jalla a dit: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Puis s'il se détourne, dit: Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, en lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Voilà le juste comportement à adopter avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui réside en premier lieu dans la concrétisation de son tawhid pour lequel il nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui mécroient. Malheur donc à ceux qui mécroient pour le feu qui les attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux par amusement. Si nous avions voulu faire cela futilement, nous l'aurions pris de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. La bonne conduite avec Allah subhanahu wa ta'ala, en concrétisant son obéissance et son adoration à Azza wa Jalla. Voilà en quoi réside le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit Azza wa Jalla, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? La bonne conduite à avoir avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que sa mise en application. Allah azza wa jalla a dit فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْرَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Maintiens-toi sur le droit chemin comme il t'a été commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi repentant, et ne commettez pas d'excès. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu de l'enfer vous atteindra, et vous n'avez point d'alliés en dehors d'Allah, vous ne serez ensuite pas secourus. C'est-à-dire, agis de la sorte, toi Muhammad, comme Allah te l'a ordonné dans son livre, te l'a révélé et te l'a exposé à toi ainsi qu'à ta communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika wa sawfa tus'alun. Et c'est vraiment un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous serez certainement interrogés à son sujet. Voilà en quoi consiste d'avoir un bon comportement avec le Coran. Et parmi ce qui en fait partie, il y a le fait de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable banni avant de commencer sa lecture. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Cela, afin d'être préservé, que le diable ne vienne s'immiscer entre toi et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et il a dit Azza wa Jalla وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement et observez le silence, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Donc quiconque aura concrétisé le bon comportement avec Allah et son livre, Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et le bon comportement de l'homme avec son épouse, ou quelqu'un qui lui est proche ou lointain, ou bien encore n'importe qui d'autre parmi les gens, eh bien cela fait aussi partie de la réalisation de la bonne attitude avec Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô vous les gens, une exhortation vous est certes venue de la part de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, et un guide et une miséricorde pour les croyants. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent dans cette vie présente. Donc, concrétisez le bon comportement avec Allah aux serviteurs d'Allah, car il a été promis à quiconque aura eu un bon comportement avec Allah qu'il sera bien heureux dans cette vie d'ici-bas, tout comme dans celle de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque a accompli une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons assurément en fonction du meilleur de leurs actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Et si nous en avions fait un Coran en une langue étrangère, ils auraient certainement dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été clairement exposés ? Comment cela se pourrait-il ? Un Coran en une langue autre que l'arabe et un messager arabe dit « Ce livre, le Coran, est une guidée et une guérison pour ceux qui croient, mais quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et ils ont été frappés d'un aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont-elles des gens que l'on appelle d'un endroit lointain sans qu'ils puissent entendre ?» Et parmi ce qui fait partie de la bonne conduite, il y a le bon comportement entre les gens. Le bon comportement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car certes Allah nous l'a imposé, que cela concerne la salutation ou bien même la façon de parler. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِهِ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا » et dit à mes serviteurs, ô toi Muhammad, de s'exprimer de façon convenable, car certes Shaytan, le diable, sème la discorde parmi eux, et le diable est assurément pour l'homme un ennemi déclaré. De même que le fait de faire preuve de silence dans ce qu'il n'y a aucun intérêt ou profit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. Ou que cela concerne la bonne attitude lors de visites fraternelles, ou bien concernant la demande de permission avant d'entrer chez quelqu'un. Comme dans le récit, s'il t'autorise d'entrer, entre, sinon retourne. Ou bien encore le comportement avec les voisins, comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit « والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » Le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon et le voyageur, de même que les esclaves que vous possédez, certes Allah n'aime pas le présomptueux, l'arrogant. Ou qu'il s'agisse du comportement à adopter avec les parents, ou même l'épouse, tout cela, et bien d'autres choses encore qui n'ont pas été évoquées, tous font partie des bons comportements qu'Allah nous a commandé d'avoir et d'adopter. Et s'il venait avoir une défaillance dans ses attitudes, alors cela ferait assurément défaut au niveau du relationnel entre les gens dans leur vie. Et cela serait préjudiciable et engendrerait entre eux toutes sortes de désaccords à n'en plus finir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ » Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord mutuellement. Ainsi, ce verset expose que l'établissement de la personne dans la droiture n'est dû qu'à la miséricorde d'Allah. De même qu'il fasse partie des bons conseillers et qu'il ne soit pas un perdant. Et cela n'est dû qu'à la miséricorde d'Allah qu'il ne soit pas un opposant à la vérité. Car celui qui ne cesse de s'opposer à la vérité et de la contredire n'est en réalité qu'un fauteur de troubles auquel Allah ne veut aucun bien. Voilà pourquoi on trouve régulièrement dans les livres traitant de la croyance un chapitre concernant la réplique à ceux qui s'opposent à la vérité. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut que tu saches qu'il est nécessaire d'étudier de manière claire et tranchante à travers le livre d'Allah, le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la question de l'interdiction du désaccord comme l'a commandé Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit ainsi subhanahu wa ta'ala وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Et quel que soit le sujet de vos divergences, son jugement revient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. Il s'agit là d'une attitude des plus importantes. Il incombe donc aux musulmans de l'adopter et de la réaliser. Car la déclaration et l'appel à l'absence de divergence, le tout accompagné de l'éloignement du livre d'Allah, est une utopie. Car Allah a ordonné aux gens d'exposer leur divergence au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son jugement. Que cela soit avec les proches ou les gens éloignés, les jeunes ou les personnes âgées ou n'importe qui d'autre. Et le jugement d'Allah est clairement exposé dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa anihkum baynahum bima anzal Allah, wa la tattabi ahwa'ahum, wa hdharhum an yaftinouka an ba'di ma anzal Allahu ilayka, fa in tawallaw, fa'alam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim, wa inna kathira minan nasi la fasiqoun. » Et juge parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre sur toi, et ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Puis s'ils refusent de s'y soumettre, sache qu'Allah aura alors décrété à leur encontre de les affliger ici-bas à cause de certains de leurs péchés, et sache aussi que beaucoup parmi les gens sont des pervers. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala commanda, à savoir le fait de revenir à son livre et à la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de juger à partir d'eux. Car le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dernier est clairement exposé dans son livre. Allah azza wa jalla a en effet dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'im, faruddu ila Allah wa rasul in كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez votre affaire à Allah et aux messagers. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux pour vous et de meilleurs aboutissements. Cela est donc un bien et de meilleurs aboutissements. Et il n'y a pas meilleur recours en cas de désaccord que de revenir au Coran et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y trouve aucun manquement ni négligence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma faratna fil kitab min shay » Nous n'avons rien omis de mentionner dans le livre. Et il a aussi dit « Tabaraka wa ta'ala » « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Allah Azza wa Jalla a également dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez jadis ennemis, puis qu'il réconcilia vos cœurs, devenant ainsi par son bienfait frères, et que vous étiez au bord d'un abîme de feu, puis qu'il vous en sauva. C'est ainsi qu'Allah vous expose ses signes afin que vous soyez bien guidés. Il s'agit là d'une affaire divine, que celui qui se sera cramponné à Allah sera guidé vers la droiture du sentier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Serviteur d'Allah, c'est là une situation à laquelle il n'incombe aucunement d'y faire preuve d'inattention. Parfaitement, il n'est permis à personne d'être négligent à son sujet. Et quant aux cris et aux jacassements de certaines personnes, quant à cesser toute divergence, alors qu'eux-mêmes sont en pleine contradiction avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire concernant son monothéisme, cela est dénué de tout sens. En effet, comment pourrait-on considérer la parole de ces gens alors qu'eux-mêmes ont un mauvais comportement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ces mêmes gens qui ne réussissent pas à unifier la parole des musulmans à laquelle ils doivent se cramponner, selon le livre d'Allah, le Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il était ainsi devenu nécessaire d'exposer cette affaire au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit là de la situation que nous avait exposé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette bonne façon que l'on doit se comporter lors de divergences, selon laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué ses compagnons, et que ces derniers adoptaient lorsqu'ils divergeaient sur une quelconque affaire. Et combien de fois cette situation s'est-elle produite dans les époques passées? Et combien de fois les gens sont-ils revenus à cette pratique et ont-ils été préservés de beaucoup de maux, comme cela s'est passé entre Al-Hassan et Muawiyah radiallahu anhum? Ces derniers revinrent aux arguments scientifiques pour juger de leur contentieux. Et Allah empêcha en cela que ne soit déversé le sang des musulmans et préserva la communauté. Et cette année fut nommée Amul Jama'a, l'année du rassemblement, après que les gens étaient revenus à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avaient adopté le comportement religieusement légiféré pour ce genre de situation afin de mettre un terme à leur discorde. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Et concernant toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. Et Allah Azza wa Jalla a dit فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez votre affaire à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est bien mieux et de meilleur aboutissement. Abu Bakr, radiallahu anhu, vint ainsi auprès d'Al-Hassan et lui dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, mon petit-fils que voici, référence faite à Al-Hassan, est quelqu'un de noble. Et peut-être qu'Allah réconciliera par son biais deux grands groupes de musulmans. » Al-Hassan renonça alors à poursuivre dans le conflit qui l'opposait avec Muawiyah après avoir entendu cette recommandation provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En conséquence de quoi, les musulmans se rassemblèrent autour de la vérité, du bien et de la guider. Et la parole des musulmans se réunifia autour de la paix et de la sécurité. Ainsi, les musulmans se réunirent et purent ensuite orienter leurs flèches vers les véritables ennemis d'Allah parmi les juifs et les chrétiens et autres. Leurs épées s'associèrent donc contre leurs véritables ennemis et le sang des musulmans fut ainsi préservé d'être déversé par la cause de cette recommandation prophétique qu'ils avaient entendu. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, tombant en désaccord avec Abu Musa radiallahu anhu, au sujet de la demande de permission d'entrée dans les habitations. Mais dès lors qu'ils renvoyèrent leur contentieux aux recommandations et aux exhortations divines, au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire prit fin. En effet, Abu Musa alla un jour chez Omar radiallahu anhu et frappa à sa porte trois fois. Puis n'ayant aucune réponse, il repartit. Omar sortit ensuite et vit Abu Musa rebrousser chemin. Il l'appela et lui demanda pour quelle raison il n'avait pas patienté un peu plus à sa porte. Abu Musa lui dit alors « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « La demande de permission d'entrer dans les maisons est limitée à trois coups. Soit le propriétaire des lieux t'autorise à entrer, soit tu repars. » Omar lui rétorqua « Soit tu m'apportes une preuve de ce que tu viens de dire ou bien… » Abu Musa s'en alla alors rejoindre un groupe de personnes parmi les compagnons. Une fois arrivé auprès d'eux, il dit « Lève-toi, Abu Saïd !» Abu Saïd partit ainsi à informer Omar radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement dit cette parole et jugea dans l'affaire qui opposait Omar à Abu Musa. Et tout ce qui s'était passé entre ces deux derniers comme opposition se dissipa en revenant au livre d'Allah ainsi qu'à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam par la cause d'un seul et unique récit prophétique. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'apprêtait également un jour à lapider une femme qui n'avait plus sa raison. Puis cependant que des gens allaient appliquer la sentence, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu passa près d'eux et leur dit « Qu'est-il arrivé à cette femme ?» Ils répondirent « Il s'agit d'une folle, fille d'un tel qui a commis l'adultère. » L'émir des croyants ordonna ainsi qu'elle soit lapidée. Ali leur dit alors « Attendez un peu. » Il partit ensuite voir Omar radiallahu anhu et lui dit « Ô émir des croyants, ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le kalam qui inscrit les actions de chacun est levé pour trois catégories de gens. Pour celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Pour celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. » Omar répondit « Bien sûr que si ». Ali lui dit alors « Donc qu'en est-il du cas de cette femme ?» Omar dit « Plus rien à présent ». Ainsi, Ali radiallahu anhu fit le rappel à Omar par le biais de cette sunna qui ordonna par la suite de relâcher cette femme après avoir failli être lapidée. Omar radiallahu anhu dit ensuite « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là même qui furent éduqués à retourner vers le livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et suivant le bon comportement à avoir lors de désaccords. Ainsi, lorsque ces derniers divergeaient, ils revenaient au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de quoi leur divergence prenait fin. Et Ibn Abbas radiallahu anhu divergea un jour avec Zayd ibn Thabit radiallahu anhu concernant l'accomplissement pour la femme qui est indisposée du tawaf al-wada', la circumambulation autour de la Kaaba que l'on accomplit avant de quitter Mecca, la Mecque. Zayd dit ainsi « Est-il vrai que tu dis cela aux gens, ô Ibn Abbas ?» Ibn Abbas répondit oui. Zayd lui dit, de qui tiens-tu cela? Il lui répondit, pars donc interroger cette femme au sujet de cette affaire. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a certes autorisé d'accomplir le tawaf al-wada' alors qu'elle était en période de menstrue. Zayd partit ainsi interroger cette dernière. Et il revint ensuite le sourire aux lèvres, heureux et content de voir ce différend prendre fin. Voilà donc les bonnes manières à adopter lors de divergences autour desquelles ont été instruits et éduqués les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Et il les éduquait aussi à éviter tout conflit et à ne pas polémiquer entre eux. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, le hadith d'Abu Umama, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul peuple ne s'est égaré après avoir été bien guidé sans que la raison de leur égarement n'eût été leurs nombreuses polémiques et discussions à propos des commandements qui leur avaient été révélés. C'est pour cela qu'il fait partie des bonnes attitudes à avoir lors de désaccords que de s'écarter de toute polémique et de s'orienter plutôt dans ces moments de discorde vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Car comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration durant les troubles et le désordre est-elle un exode vers moi? Et le récit a été rapporté par Muslim d'après Ma'aqil. Oh vous les gens, oh vous les journalistes, vous appelez à l'absence de divergence alors que vous faites partie de ceux qui ont le plus mauvais comportement dans cette affaire avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'avec les savants de la religion. Vous êtes-vous donc auparavant éduqué personnellement selon les préceptes du livre d'Allah et de la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que ceux des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ce comportement qu'Allah a révélé dans son livre le Coran et qui nous a été rendu obligatoire d'adopter en cas de désaccord, à l'image de ce qui arriva entre le Miswari ibn Makhrama radiallahu anhu et Ibn Abbas radiallahu anhu concernant le lavage de la tête lors du lavage rituel du pèlerin. Al-Miswari dit ainsi, il n'est pas permis au pèlerin de se laver la tête lorsqu'il est en état d'ihram, en état de sacralisation. Et Ibn Abbas de lui répliquer, bien au contraire, il peut se laver la tête. Ibn Abbas envoya donc une personne interroger Abdullah ibn al-Ambari à ce sujet. L'homme alla ainsi rencontrer ce dernier et l'informa de leur contentieux. Abdullah ibn al-Ambari dit alors, moi j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se laver de la tête aux pieds alors qu'il était en état de sacralisation. La personne retourna voir Ibn Abbas et al-Miswari et les informa de ce que lui avait dit Abdullah ibn al-Ambari, ce qui mit un terme à leur désaccord, du fait d'avoir jugé de leur contentieux selon le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, conformément au commandement de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, wa martalaftum fihi min shay'in, fa hukmuhu ilallah, dhalikum allahu rabbi wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, quel que soit le point sur lequel vous divergez, il vous incombe de le ramener à Allah, tel est Allah mon Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. Et Allah tabaraka wa ta'ala a également dit fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez votre affaire à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleurs aboutissements. Et parmi les bonnes manières de faire durant un conflit, il y a ce qui s'est passé entre Omar ibn Khattab radiallahu anhu et certains compagnons au sujet du règlement de la dette d'un homme qu'il aurait laissé impayé après sa mort. Omar dit ainsi, c'est à la famille de l'époux, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères et sœurs, que revient le règlement de la dette, non pas à son épouse. Al-Dhahhak ibn Sufyan radiallahu anhu vint alors et informa Omar ibn Khattab radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit hériter la femme d'Ad-Dibabi de la dette de son époux. Omar radiallahu anhu changea alors d'avis et ordonna cela. Voilà donc le bon comportement à adopter aux serviteurs d'Allah. Il nous est donc tous obligatoire de nous éduquer selon le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et tout ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Certes, Allah est dur en punition. Et sachez que le fait de délaisser les bonnes façons d'agir lors de divergences attise et sème les troubles. Plus encore, cela ne fait qu'ajouter de la férocité et de l'acharnement entre les gens. Pour preuve, la parole d'Allah Azza wa Jalla, فَلِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent donc garde ceux qui s'opposent à son commandement qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et la fitna a de fortes probabilités de se produire si la bonne attitude adéquate à la situation est délaissée, tandis que la concrétisation du bon comportement vis-à-vis d'Allah, de son messager, ainsi que des arguments scientifiques religieux, quant à lui, fait disparaître la fitna par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi, dans son jami', son recueil de hadith, a rapporté d'après le récit de Al-Irbad ibn Sari, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhorta un jour, après la prière de l'aube, d'une exhortation éloquente, qui fit couler les larmes et toucha les cœurs. Un homme dit alors, ce sermon ressemble à l'annonce de l'approche de ta mort. Que nous conseilles-tu donc, ô messager d'Allah? Il dit, je vous conseille la crainte d'Allah et la soumission et l'obéissance au gouverneur, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin. Car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de désaccords et de divisions. Et prenez garde aux innovations religieuses, car elles ne sont qu'égarements. Et quiconque parmi vous atteindra cette époque, qu'il s'accroche donc à ma sunna, ainsi qu'à celle de mes successeurs bien orientés et bien guidés. Mordez-y avec vos molaires. Il s'agit là d'une éducation prophétique concernant l'attitude à avoir lors de divergences. Car le suivi du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que la méthodologie des pieux prédécesseurs, salafuna salih ridwanullahi alayhim, est une prémunition contre les fitanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit, et mes compagnons sont une prémunition pour ma communauté. S'ils venaient à disparaître, ce qui a été promis à ma communauté se produit assurément. Le sens de cela est que le fait de suivre leur cheminement est une prémunition contre les troubles et le désordre. Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui aura été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, les pieux prédécesseurs, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Ceci étant dit, toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous reportons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Et parmi le bon comportement à adopter lors des divergences, il y a le fait de patienter. Que la personne patiente afin que le pieux ne se fatigue pas et se prémunisse du mal des désobéissants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Si vous souffrez, sachez alors que aussi vos ennemis souffrent comme vous souffrez, tandis que vous, vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas, et Allah est certes omniscient et sage. Et Allah Azza wa Jalla a également dit, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour d'autres, afin d'observer qui d'entre vous patientera, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Allah est ainsi clairvoyant. Et Allah sait distinguer le fauteur de troubles mauvais du réformateur bon. De même qu'Allah Azza wa Jalla salit et protège les gens pieux, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un récit qudsi, quiconque aura causé du tort à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par l'accomplissement d'actes surérogatoires jusqu'à ce que je finisse par l'aimer. Et si je viendrai à l'aimer, je serai alors son ouïe avec laquelle il entend et sa vue avec laquelle il voit, jusqu'à la fin du récit. Donc si tu venais à avoir un différend ou un contentieux, considère-toi alors dans cet état comme étant dans une adoration et agis en conséquence. Car c'est de la sorte qu'Allah Azza wa Jalla te fera sortir de cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il est ici question d'issues favorables à tous les problèmes et malheurs. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Salama radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah, que de fitaines ont été descendues dans cette nuit, que de miséricordes ont été descendues, qui va donc réveiller celles qui dorment dans leur chambre, incitant ainsi ses épouses à se lever pour prier la nuit. Ô Seigneur, habillé dans cette dunya et nu dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'informer des troubles et que les adorations étaient justement une des causes de leur diminution. Certes, les troubles animent et revivifient les gens de l'égarement et des turpitudes, et ceux qui n'ont que peu de religion et dont le niveau de pratique est faible. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certainement dit « Le meilleur d'entre vous est celui dont on espère son bien, et le plus mauvais d'entre vous est celui dont on n'espère pas le bien ». Les fitaines ne proviennent que d'une personne qui n'a que peu de religion, tandis que les gens qui pratiquent leur religion et accomplissent des actes de piété abondamment, leur cas est différent. Car ceux-là sont de vrais serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et se préparent selon leur capacité à être présentés devant Allah azza wa jalla, le Seigneur Tout-Puissant, le jour du jugement dernier. Ceux-là n'ont ainsi aucun temps à perdre avec les troubles. Parfaitement par Allah, ils sont trop occupés par l'éducation de leur propre personne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de la bonne pratique de la religion d'une personne le fait de ne pas s'occuper et de délaisser ce qui ne lui regarde pas. Cela fait donc partie du bon comportement à avoir lors de divergences, de ne pas s'immiscer dans une affaire qui ne te concerne pas. Et dans le récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on craint qu'il ne vienne une époque durant laquelle les gens seront amissés durement, après quoi il ne restera que les revues de la société, qui ne respecteront plus de pacte, ni ne préserveront les dépôts, et qui seront divisés alors qu'ils étaient auparavant comme ceci, en croisant ses doigts entre eux. Les compagnons dirent, et comment serons-nous à cette époque au messager d'Allah? Il dit, vous prendrez ce que vous saurez, et délaisserez ce que vous réfuterez, et vous vous occuperez seulement de ce qui vous regarde, et délaisserez les affaires d'ordre général. Et il s'agit là d'une attitude des plus importantes concernant le comportement à adopter lors de désaccords. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet exposé, à travers différentes preuves, que s'il venait à apparaître une divergence entre les gens, l'individu se devait dès lors de ne s'occuper que de sa propre personne et de s'orienter plutôt vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que de blâmer ses propres mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit, comme cela a été rapporté dans le récit de Uqba radiallahu anhu, garde-toi de prononcer de mauvaises paroles avec ta langue et reste chez toi et pleure pour tes erreurs. Et il l'orienta à travers ce conseil vers cette façon d'agir qui fait partie des plus importantes des dispositions à prendre lors de désaccords, à savoir l'exposition et le dévoilement des agissements et des méthodes des gens du faux et de l'égarement, afin de les empêcher qu'ils ne trompent la masse des gens. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit « وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ » C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Les prophètes d'Allah avaient été envoyés chacun à son époque, à leur peuple respectif, et ces derniers s'étaient opposés à eux. Malgré cela, ils persistèrent dans le fait d'exposer et de propager la vérité. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen, innaka fainaka al-mustahzi'in. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs, nous te défendrons assurément des railleurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuha al-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata, wallahu ya'zimuka min an-nas, inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. » Ô toi le messager, transmets ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur, et si tu ne le faisais pas, tu n'aurais alors pas transmis son message, et Allah te protégera du mal des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Il en est ainsi, et l'un de ses prophètes de dire dans ses versets وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. Et raconte-leur l'histoire de Nuh, Noé, quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si ma présence parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors sachez que c'est en Allah que je place ma confiance. Concertez-vous donc avec vos associés et ne cachez pas vos stratagèmes, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Et le sens de ces paroles est que les messagers s'étaient entièrement remis à Allah tabaraka wa ta'ala, et que cette fermeté n'émanait que de lui subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la adhaqnaka dhi'f al-hayat wa dhi'f al-mamat thumma la tajidu laka 'alayna nasira. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais certainement penché quelque peu vers eux, et nous t'aurions alors fait goûter le double supplice de la vie terrestre et le double supplice de la mort, tu n'aurais ensuite trouvé aucun secoureur contre nous. Donc, le bon comportement à avoir dans ce genre de situation conflictuelle est celui qu'avaient adopté les prophètes, car ces derniers ont été contredits et ont été éprouvés et ont subi des torts jusqu'à ce que leur vienne le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: wa laqad kuthibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuthibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Certes, des messagers avant toi, Muhammad, ont été traités de menteurs, mais ils endurèrent avec constance d'être démentis et persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt, et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie des histoires des envoyés. Également, parmi les bons comportements à avoir lors de divergences, il y a le fait de conseiller la personne avec qui on diverge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit: la religion est le conseil. Les compagnons dirent: pour qui, au messager d'Allah? Il dit: pour Allah, ses livres, ses messagers, de même que pour les imams des muslimouns et la masse de la communauté. Nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône obligatoire et le conseil prodigué à tout muslim. C'est ainsi qu'Adi Jarir radiallahu anhu est-elle le cheminement que doit emprunter tout conseiller digne de ce nom lorsqu'il adresse un conseil aux muslimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: nul ne croira véritablement tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour sa propre personne. Et le récit a unanimement été rapporté comme authentique d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pareillement dit: le croyant est pour le croyant tel une bâtisse, il se consolide mutuellement. Il l'oriente, il lui explique les choses, il le guide vers le bien, quand bien même il viendrait à le fatiguer ou à trouver de sa part de l'opposition. Cela ne doit pas pour autant l'empêcher de continuer à être pour lui un conseiller tout en prenant de la distance avec lui. Car parmi la bonne attitude à avoir lors des divergences, il y a le fait de s'écarter de celui qui s'oppose à la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Aussi, parmi ce qui fait partie du bon comportement durant les divergences, il y a le fait de rester avec les gens pieux et de s'éloigner des gens pervers et désobéissants. Allah tabaraka smuhu a dit: wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashihi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Et endure et patiente en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant les artifices de la vie de ce bas monde, et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Abu Waqid al-Laythi radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un jour dans la mosquée avec des gens. C'est alors que trois personnes entrèrent dans la mosquée. Deux d'entre elles se rapprochèrent du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. L'une d'entre elles vit une place vide dans l'assemblée. Elle s'avança alors et s'y assit. Tandis que la deuxième prit place à l'arrière de l'assise. Et quant à la troisième personne, elle rebroussa chemin et sortit. Puis, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, termina, il dit: ne vous informerai-je donc pas des trois individus? Quant au premier, il chercha à se joindre auprès d'Allah. Allah le joignit alors auprès de lui. Quant au second, il eut honte. Allah eut honte ainsi de lui. Et quant au troisième, il se détourna. Allah se détourna alors de lui. Donc, détourne-toi des gens qui se détournent du rappel. Et également, parmi les bonnes manières d'agir lors de divergences, il y a le fait d'adoucir ses paroles. Allah Azza wa Jalla a dit: فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah tabaraka wa ta'ala dit à Moussa et Haroun, Moïse et Aaron, au sujet de Pharaon: puis parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Mais il est possible, dans certaines situations, qu'il faille faire preuve de fermeté et de dureté avec la personne avec qui on est en conflit. Tel est le comportement à adopter lors de certains désaccords. Toujours d'après le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit à Abdullah ibn Umayya, lorsque ce dernier lui dit « Je te tuerai à tel endroit ». Oh que non, c'est moi qui te tuerai à tel endroit. Et du même genre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit un jour des petits cailloux dans sa main et les jeta sur certaines personnes en disant que soit enlaidi ses visages et aucun d'entre ces gens ne fut épargné par ces cailloux. Et notre preuve dans ce récit est sa parole que soit enlaidi ses visages. Et nul ne connaît le plus juste comportement à avoir lors de divergences comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de la religion, les savants de la sunna, ce sont eux qui connaissent et cernent mieux que quiconque les justes mesures qui impliquent le fait de placer les choses dans leur contexte. Mais quant à l'ignorant qui croasse et hurle à l'absence de divergence, alors que lui-même est en totale contradiction, de la tête aux pieds avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, en désaccord concernant ses habits, concernant sa croyance, concernant ses paroles, concernant son comportement, en opposition, dans sa maison, de même que concernant ce à quoi il prête l'oreille et ce qu'il regarde comme chose qu'Allah azza wa jal a interdite, en désaccord concernant la pudeur, également au sujet du salam et des règles de salutation, en contradiction dans la façon de se comporter avec ses voisins et concernant les droits des musulmans, et avec toutes ces contradictions, il prétend appeler à l'absence de divergence entre les musulmans. Où est donc le bon comportement dans ta propre personne avant tout? Allah Azza wa Jalla a certes dit « Ya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la taf'aloun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'aloun » Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Certes, le fait que vous n'accomplissez pas ce que vous dites est une grande abomination auprès d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.